la corruption de ses mœurs. Sa réputation de sodomite lui vint uniquement de son séjour chez Nicomède, mais il en rejaillit sur lui un opprobre ineffaçable, éternel, et qu'il l'exposa à une foule de railleries. Je ne rappellerai pas ces vers si connus de Licinius Calvus. Tout ce que posséda jamais la Bithynie et l'amant de César. Je ne citerai pas les discours de Dolabella et de Curion, le père où César est appelé par le premier la rivale de la reine, la planche intérieure de la litière royale, et par le second l'étable de Nicomède, et le mauvais lieu de Bithynie. Je ne m'arrêterai pas non plus aux édits de Bibulus contre son collègue, édit où il le traite de reine de Bithynie, et lui reproche à la fois son ancien goût pour un roi et son nouveau penchant pour la royauté. Marcus Brutus raconte qu'à cette même époque, un certain Octavius, espèce de fou qui avait le droit de tout dire, donna à Pompée, devant une assemblée nombreuse, le titre de roi, et salua César du nom de reine. Sémémius lui reproche aussi d'avoir servi Nicomède à table, avec d'autres débauchés, et de lui avoir présenté la coupe et le vin devant un grand nombre de convives, parmi lesquels étaient plusieurs négociants romains dont il cite les noms. Cicéron, non content d'avoir écrit dans ses lettres que César fut conduit par des gardes dans la chambre du roi, qu'il s'y coucha, couvert de pourpre sur un lit d'or, et que ce descendant de Vénus prostitua en Bithynie la fleur de son âge, lui dit un jour en face, au milieu du Sénat, où César défendait la cause de Nysa, fille de Nicomède, et rappelait les obligations qu'il avait à ce roi. « Passons, je vous prie, sur tout cela. On sait trop ce que vous en avez reçu et ce que vous lui avez donné. » Enfin, le jour où il célébra son triomphe sur les Gaules, les soldats, parmi les chansons satiriques dont ils ont coutume d'égayer la marche du triomphateur, chantèrent aussi ce couplet fort connu. « César a soumis les Gaules, Nicomède a soumis César. Vous voyez aujourd'hui triompher César qui a soumis les Gaules, mais non point Nicomède qui a soumis César. »